L'information sur RTL, c'est avec vous, Mélina Fachin, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et d'abord, la décision est tombée il y a moins d'une heure. Nicolas Sarkozy, à nouveau sous les feux de la justice, l'ancien chef de l'État, est renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Big Malion. C'est ce que confirme ce matin la cour d'appel de Paris. Et Nicolas Sarkozy a d'ores et déjà annoncé qu'il contestait cette décision et qu'il allait se pourvoir en cassation. Il est poursuivi pour financement illégal de campagne électorale en 2012 pour la présidentielle. Il avait dépassé le plafond autorisé des dépenses de plus de 20 millions d'euros alors qu'il aurait été informé d'un risque de dérapage. Dans le reste de l'actualité, deux jeunes de 16 ans placés en garde à vue hier soir et ce matin dans le Val-d'Oise, ils seraient impliqués dans le meurtre d'un adolescent de 17 ans mardi lors d'une rixe à Sarcelles. Le même jour, une bagarre générale entre bandes avait fait un mort, un jeune homme de 16 ans, dans le 20e arrondissement de Paris. Les personnes handicapées mentales auront désormais le droit de voter et de se marier. Aucun juge ne pourra les en empêcher, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. La mesure devrait entrer en vigueur au plus tard pour les élections municipales de 2020. Cela concerne tout de même un peu plus de 300 000 personnes. C'est ce qu'annonce ce matin la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui sera notre invitée dans RTL Midi tout à l'heure, dès 12h30, avec Christelle Rebière. Et puis avec Pascal Praud, dans Les Auditeurs ont la parole. Vous pourrez d'ailleurs lui poser vos questions au 3210. Aux États-Unis, ce sont en tout 7 colis piégés qui ont été interceptés ces dernières heures, tous destinés à des figures politiques démocrates ou à des opposants bien connus de Donald Trump, Barack Obama, Hillary Clinton ou encore la chaîne de télévision CNN. Aucun blessé, mais évidemment beaucoup d'émoi dans tout le pays. Donald Trump a dénoncé, je cite, une attaque contre notre démocratie. Mais en même temps, il s'attaque à nouveau aux médias et les appelle à cesser leurs hostilités et leurs attaques négatives constantes. Du football avec la Ligue des Champions hier soir et les clubs français ont souffert, deux partout entre le PSG et Naples et un partout pour Monaco-Bruges. Ce soir, place à la Ligue Europe avec trois clubs français sur le terrain. Bordeaux joue à Saint-Pétersbourg à 18h55 et à 21h, l'OM reçoit la Lazio et Rennes affronte le Dynamo Kiev. La Bourse de Paris ce matin ouvre en légère baisse, moins 0,39%. Le CAC 40 s'établit autour des 4926 points. La météo aujourd'hui avec beaucoup de grisailles ce matin dans la moitié nord du pays et dans le centre. Mais rassurez-vous, ça va s'améliorer cet après-midi. Il y aura du soleil quasiment partout. Quelques nuages encore près des frontières du nord et du nord-est. Les températures cet après-midi, 13 degrés au Havre, 15 à Paris, Lille, Reims et Nancy, 16 à Lyon, Orléans et Strasbourg, 18 à Rennes, 19 à Nantes, 20 à La Rochelle, Grenoble et Toulouse, 24 à Marseille, 25 à Montpellier et Nîmes et 26 degrés la maximale. Ce sera pour Perpignan. Les courses aujourd'hui se jouent à Auteuil. Voici les pronostics de Claude-Pierre Santi. L'As, le 11, le 16, le 9, le 5, le 3, le 12 et le 8. La dernière minute de Claude, c'est le 16. Eragon, il est 10h03 sur RTL. Vous retrouvez Julien Courbet et son équipe pour la suite de Ça peut vous arriver. C'est incroyable parce que quand vous avez donné la météo, je pensais que vous étiez, parce qu'on le connaît bien, en train de donner la liste des maîtresses de maître de Caumont. Ça correspond exactement. 15 à Paris, 16 à Lyon, 18 à Rennes, 19 à Nantes, 20 à La Rochelle, Grenoble et Toulouse parce qu'ils travaillent un petit peu sur le Grand Ouest, 24 à Marseille. Mais je ne sais pas comment vous êtes procuré ça, mais on c'est est un très document précis. Secret. Maître de Caumont, un commentaire? Oh non, les grandes douleurs sont muettes. Allez, merci, à tout à l'heure 11h pour d'autres infos. Voici le point info sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30. Nous sommes sur RTL et nous sommes en direct. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Tout a commencé avec Marcel. 9 816 euros, c'est ce que lui doit un promoteur immobilier depuis le mois de mars. Et nous avons appelé absolument tout le monde. Bernard continue, une assistante géniale est en train de passer de service en service pour nous trouver un interlocuteur. Nous attendons de la voir. On rappelle quand même, Maître Fellono, que dans ce dossier, il y a eu des réserves. Les réserves ont été levées, donc l'entreprise doit maintenant payer. Mais nous avons appris par Charlotte il y a quelques instants qu'il y aurait en fait des conflits entre promoteurs. Et alors ? Voilà, comme vous dites. Voilà. Merci, parce que oui, vous avez fait combien d'études de droit pour dire ça? Parce que ça pas assez, visiblement. On va tous être avocats, et alors? Bon, nous nous retrouvons donc pour avoir du nouveau sur ce dossier à n'importe quel moment avec une alerte. Le deuxième, c'est le compteur. Alors ça, c'est le gros dossier de la matinée, le compteur de Carla. 5500 euros pour sa voiture. Trois mois plus tard, elle découvre que le kilométrage a été revu à la baisse au moment de la vente. Alors, nous avons téléphoné à Dreamcar et nous tombons sur un monsieur Hussein Kobessi qui nous dit « c'est pas moi ». Mais alors, c'est pas le bon numéro, je n'ai rien à voir avec ça. Or, nous avons pris hier à ce numéro rendez-vous avec lui, donc nous savons que c'est de toute façon, c'était bien lui. Bon, alors, peut-être pas Uben Kobesi lui-même, mais en tout cas, on était bien au numéro de Dreamcar. C'était bien Dreamcar, si je peux vous le confirmer. J'avais demandé une voiture, on m'avait proposé peut-être une 206, on devait se rappeler ce matin. C'est bien le bon numéro. Bon, la gérante, c'est son épouse, hein, Nadine Kobesi. Hervé Pouchol. En confirmation, c'est le bon numéro, bien entendu. Et puis surtout, Carla a reconnu la voix de ce monsieur. Bien sûr. Qui s'appelle Hussein, mais il a un deuxième prénom, c'est monsieur Chabi aussi. Ah bon? Voilà. Comment vous savez ça? Eh bien, parce que je lui ai posé la question. À qui? À Hussein? Ah non, Carla. Ah bon, pardon. Carla, on est les frères ennemis, nous. On devrait faire une tournée. Carla, vous êtes en ligne avec nous? Oui. Il vous a dit qu'il s'appelait aussi monsieur Chabi? Il s'appelle Chadi Hussein Kobesi, oui. Ah, Chadi, c'est un prénom, c'est pas un nom de famille. Oui, c'est un deuxième prénom. D'accord. Oui. En tout cas, c'est une information importante, Hervé Pouchol, qui va bien faire avancer le dossier. Ah bah oui. On va dans une seconde vous faire écouter, parce que là, ça devient sérieux, encore une fois, hein, car elle a acheté une voiture, je vous le rappelle, qui a 146 000 euros en 2010, et on lui vend... Pardon ? Kilomètres. Pardon, qui a 146 000 kilomètres en 2010, alors qu'on lui vend à 136 000 en 2018. Et vous avez d'autres témoignages, JB. Eh oui, j'ai eu quelques autres personnes en ligne. Il y aurait même une quinzaine de victimes. Parmi elles, j'ai Djouma qui a acheté un véhicule, elle aussi, 5500 euros en février dernier. On l'écoute. Eh bien non, on va l'écouter juste après la pause que nous allons marquer maintenant. Eh oui, car nous sommes, je vous le rappelle, les rois du suspense. À n'importe quel moment dans notre vie, nous faisons comme ça des frayeurs aux auditeurs. Mais nous aurons deux témoignages dans une seconde, donc de personnes qui, elles aussi, ont eu des petits soucis. N'hésitez pas pour vos problèmes de voiture, c'est le 3210. Philippe, client Netatmo. Me laisser surprendre par un coup de froid? Impossible. Grâce au thermostat intelligent Netatmo, je choisis quand je chauffe et j'allège ma facture. J'adapte la température en fonction de mon rythme de vie. Je suis là, il fait bon dans la maison, je pars travailler, je passe en mode économie. Des invités surprises? Je gère. Je peux contrôler mon chauffage à distance depuis mon smartphone. Comme Philippe, choisissez Netatmo, des solutions de chauffage intelligentes pour allier confort et économie. En ce moment, jusqu'à 50 euros remboursés sur nos solutions de chauffage intelligentes. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Passez une bonne matinée avec RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, allô, patron. T'as la banane, toi, dis donc. Ah bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. Demain et après-demain, ils nous font le kilo de banane à 85 centimes. 85 centimes le kilo de banane? Mais ils nous prennent pour qui? Pour des bananes, patron. Tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à deux balles? À deux balles? Ah non, 85 centimes le kilo, patron. Oh, on est mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie extra, variété Cavendish, calibre P20, origine Afrique, Amérique centrale ou anti-française. Vendu en vrac. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Pourquoi inviter ses clients au Stade de France? Éric Moreau, responsable d'un réseau de concessions automobiles. Le choix s'est imposé de lui-même. Que ce soit en football, en rugby ou en concert, il n'y a que des événements exceptionnels. Inviter mes revendeurs au stade me permet de mieux les connaître, de les motiver et de leur présenter nos nouveaux produits. À la fin, c'est payant en termes de chiffre d'affaires. Vous souhaitez développer votre réseau ou fidéliser vos clients? Le Stade de France a la solution adaptée à votre besoin. Retrouvez nos offres sur stadefrance.com. Stade de France, accélérateur de business. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, nous allons lancer un troisième cas en attendant Dreamcar. Mais justement, sur Dreamcar, pardon, avant de lancer le troisième cas, vous voulez nous faire écouter deux témoignages, mon cher JB. Oui, à commencer par celui de Djouma qui a acheté un véhicule, elle aussi, pour 5500 euros en février dernier. On va l'écouter. Je suis bloquée avec une voiture dont je ne peux pas circuler, que je ne peux pas revendre, parce qu'il me manque des documents pour pouvoir établir la carte grise. Je n'arrive pas à les avoir car je ne peux pas joindre le vendeur. J'ai essayé par email, près de lettres recommandées qui m'ont été retournées. Donc elle n'a pas sa carte grise. Et oui, Djouma ne sait plus quoi faire, elle est coincée. Alors j'ai aussi interrogé Isabelle, elle a aussi acheté un véhicule à ce mandataire. Et elle aussi, elle attend toujours désespérément la carte grise. Provisoire ayant pris fin dimanche, là, il y a trois jours, et j'ai dû mettre ma voiture dans un champ en attendant une issue, parce que je ne peux même pas mettre ce véhicule à la carte. Je ne peux pas le donner, je ne peux pas le vendre, je ne peux rien faire, je ne peux plus l'assurer. Là, ça fait beaucoup quand même, maître de Comont. Hein. Oui, ça commence à sentir très mauvais, si je puis me permettre. Vous avez bien raison. Autre chose, JB? Oui, alors il y a un parc auto sur lesquels étaient entreposés les véhicules pendant un certain temps. Et depuis trois semaines, il n'y a plus personne au niveau de ce parc auto. J'ai eu le garagiste qui est juste à côté et qui m'a dit Écoutez, ce monsieur, il a beaucoup de problèmes de carte grise. Je pense que c'est pour ça qu'il est parti. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite plainte au pénal ? Qu'est-ce que vous conseilleriez à un client s'il était dans ce cas, maître de Comte ? Au-delà même du problème de l'immatriculation, qui en soi constitue une infraction pénale, je pense qu'on pourrait envisager des notions d'escroquerie et de plainte, parce que il semblerait que sur une grande échelle, le responsable du garage ait tendance à vendre des véhicules sans donner les papiers avec. Donc probablement, y a-t-il un risque de revendication potentielle du précédent propriétaire qui n'a pas été payé. Rappelons que ce monsieur Hussein Kobessi a décidé, ou c'était elle hein, peut-être, qui a décidé d'être gérante, c'est Nadine Kobessi qui se retrouverait en première ligne puisqu'elle est gérante de cette boîte. Donc il faut vraiment qu'elle intervienne sur l'antenne d'RTL, car ce qui est dit est très très grave. On parle de compteurs trafiqués, on ne sait pas si c'est eux, on ne dit pas que c'est eux, mais il y a des voitures avec des compteurs trafiqués qui ont été vendues, ça on en est sûr. Et il y a beaucoup de voitures qui sont vendues sans carte grise. Alors Dreamcar est désolé pour tous les Dreamcars de France, mais je suis obligé de donner le nom de cette enseigne. Dreamcar se trouve à Épinay-sous-Sénart et c'est une domiciliation. Et là on en revient à ce que je me tue à vous dire. D'ailleurs Carla, comment avez-vous trouvé cette voiture ? Ça m'intéresse. Le garage, il est juste à côté de chez moi. Donc vous êtes passé devant, vous avez vu des voitures et vous êtes rentré tout simplement ? Oui, parce que ça fait des années qu'il était là. D'accord. Bah, écoutez, vous voyez, il faut faire... C'est aussi le problème. Après, quand c'est des grandes marques, c'est beaucoup plus facile. On va être très honnête, ça ne nous arrive jamais, quand on rentre dans une concession Renault, Peugeot, Fiat, d'avoir des problèmes comme celui-ci. Et si ça arrive, c'est résolu, quoi qu'il arrive. Mais je ne comprends pas, ces gens-là achètent des stocks de voitures. Pour avoir le stock de voitures, il faut avoir une belle masse d'argent. Donc, ils donnent un acompte, on leur livre les voitures. Celui qui les vend garde les cartes grises en disant « je te les donnerai quand tu m'auras soldé ». Et comme ils ne soldent pas parce que l'argent qui est vendu des voitures, soit ils le gardent, soit ils n'arrivent pas à les vendre, eh bien, tout le monde, après, se retrouve chocolat, comme on dit. On ne va pas lâcher l'affaire, Carla, mais j'ai peur que vous ne soyez pas la seule. Et quand on est nombreux dans ce genre de truc, après, c'est très compliqué. Mais on continue. J'appelle vraiment M. Kobessi à au moins avoir la gentillesse d'expliquer à ses clients ce qui lui arrive. Dans une seconde, s'il vous plaît, Céline. On parlera de Fiona. Elle a vendu sa voiture en 2014. Elle a fait tous les papiers à la préfecture. Et pourtant, c'est elle qui reçoit les PV. Et donc, c'est très italien, hein, ce matin. Oui. Carla, Fiona, De Comoni, ils sont tous là. Voici maintenant Julien Clerc, que vous aimez beaucoup, maître De Comoni. Absolument. Car, comme lui, vous passez beaucoup de temps sous un arbre. Il est en tournée, alors peut-être pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. Non, chaque arbre fait ce qu'il veut sous son arbre. Vous en avez un qui pousse très très vite d'ailleurs. Un arbre ? Mais en faisant pipi 8 fois par jour dessus, c'est évident. Sous un grand arbre, j'ai poussé une sorte de vieux marronnier. Au centre d'une cour carrée, majestueux. Dans ses racines, j'ai puisé la sève des grandes traversées. Et mon pays, je l'ai trouvé dans tes yeux. Sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance. La pose. J'ai fait grandir tout mon feuillage. J'y ai mis mes enfantillages. Et nos enfants de tous les âges. Merveilleux. J'ai fait durcir un peu l'écorce pour nous donner le cœur, la force de voir la vie et ses entorses tous les deux. Sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance. On a bâti notre cabane, nos petits dans tes bras de liane, à l'abri tu berces mon âme. Avec eux, sous mon arbre on se balance. C'était sous mon arbre. Julien Clerc sur l'antenne d'RTL. Une alerte, de quoi s'agit-il, Bernard Sabat? C'est le cas de Marcel, Julien. Et Marcel, rappelez-nous Céline. Il est gérant d'une entreprise de fourniture et de pose de store. Un promoteur immobilier lui doit plus de 9000 euros. Quelle est cette alerte, Bernard? Alors, Amanda, collaboratrice évidemment du groupe AITB, elle ne répond plus au téléphone, ça sonne dans le vide. Ça m'inquiétait. Ah bon? Alors, j'ai eu une idée sur les conseils de notre ami Hervé. J'ai appelé un président d'un groupe qui était actionnaire minoritaire de AITB, qui s'appelle Patrice Éluin. Oui. J'ai eu une conversation très claire avec lui. Il m'a dit, monsieur Sabat, je connais très bien Marcel Neveu, je travaille énormément avec lui. Je suis son oncle, oui. Non, c'est... Il me dit, il m'a bien expliqué que AITB avait quelques difficultés, mais qu'ils avaient été rachetés par le groupe Quartus, et qu'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas été payés, c'est qu'il y avait des réserves qui avaient été levées, mais il y avait des fuites, et ça bloquait tous les prestataires de services. Attendez, il y a des réserves ou il n'y a pas de réserves, à un moment donné, on les lève, c'est que tout va bien. Mais il y a des anomalies, Julien, qui sont arrivées, qu'il ne maîtrisait pas. Lui a dit la chose suivante, comme il est apporteur d'affaires, si le 30 novembre, si le 30 novembre, cette affaire n'est pas réglée, monsieur Éluin, président de IGAP, paiera cette somme à notre ami Marcel pour Heliostore. Voilà ce que je peux vous dire. On se croirait dans les émissions de Pascal Sevran quand il citait des chanteurs et des noms qu'on ne connaissait pas. Donc, Julien, les choses sont claires. J'ai eu François Pichot qui m'a dit, si Robert Greneau, qui est l'associé de Philippe Brichou, si Philippe Brichou n'a pas eu Greneau d'ici 15 jours, alors Hervé Chica demandera à Nathalie Maury de bien vouloir contacter Francis Grégo, qui pourrait à ce moment-là s'intéresser au dossier. Qu'est-ce qui va se passer en fait? La bonne nouvelle, c'est qu'avant la fin novembre, on a un prestataire qui est actionnaire minoritaire de ce groupe et qui prend l'engagement de payer. Julien. Mais moi, je suis désolé, c'est très bien, je vous remercie, bravo. Mais monsieur Franck Dondénas, moi je l'appelle, monsieur Franck Dondénas, prenez le téléphone, dites-nous ce qui se passe dans ce dossier. Vous êtes président de AITB, qui est une entité du groupe Quartus. Merci de nous dire pourquoi Marcel, alors que tout a été levé, n'est pas payé. C'est tout simple. Donc Franck Dondénas, on continue, mais il y a quand même cette solution avec Bernard, que je félicite, car son épouse ce matin s'est levée et lui a dit « Chérie, cette nuit, j'ai rêvé que tu m'as acheté une chaîne en or. » Eh bien, vous savez ce qu'il lui a répondu ? « Bah, si tu es sage, au prochain rêve, je t'achèterai aussi les boucles d'oreilles. » Voilà, c'est pas possible. Les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux après 50 ans, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie et celle de leurs proches. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Mireille, vous avez 68 ans et votre mari souffre de troubles urinaires. Quelles en sont les conséquences au jour le jour ? Mais je dirais plutôt nuit après nuit, parce qu'il est obligé de se lever et ça me gêne autant que lui, puisque ça me réveille. Rassurez-vous, Mireille, les troubles urinaires de votre mari ne sont pas une fatalité. Ils sont même plus fréquents avec l'âge. En plus de conseils hygiéno-diététiques simples, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, évitez de grignoter. RTL, on a tellement de choses à se dire. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour, pour sa sortie, le jeu Red Dead Redemption 2 est à seulement 46,49€ au lieu de 69,95€. Non mais 46,49€ seulement, c'est fou! Résultat des courses, la conquête des économies, c'est gagné. Dès demain et jusqu'à samedi seulement, pour sa sortie, le jeu Red Dead Redemption 2 est au prix de lancement exceptionnel de 46,49€ au lieu de 69,95€. Carrefour. PS4 ou Xbox One, prix de lancement valable les 26 et 27 octobre. Modalité et liste des produits sur carrefour.fr. Des conseillers au moins de 18 ans. Moi, je suis moi-même au fil, je fais tout moi-même. Les plantes, c'est moi. Ah bah c'est simple, hein, je suis incollable. Petit biscus, crise d'antenne, robot dindon, incollable je vous dis. Non, les plantes, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, faire plaisir avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 27 octobre, Gamme Vert vous propose la jardinière de 30 cm composée de 3 plantes pour 9,95€ seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Attention, faites vos choix, rien ne va plus. Dans un monde où la consommation tient de plus en plus de la loterie, comment mettre toutes les chances de son côté? Que choisir fait peau neuve pour vous donner encore plus de clés? Alimentation. La vérité sur les additifs. Sur plus de 300 autorisés, 25% sont suspects. Comment les repérer? Les éviter? Nos experts vous aident à faire le tri. Que choisir nouvelle formule? C'est plus d'engagement, plus de terrain, plus de tests, plus d'alertes et toujours indépendant. Que choisir nouvelle formule? En vente chez votre marchand de journaux. Tu as appris la nouvelle? Non, pas pour Caro et Thomas. Du 26 au 28 octobre, CA offre moins 20% sur toute la collection femmes. Oui, 3 jours pour se faire plaisir chez CA. C'est quand même plus intéressant que les histoires de cœur de Caro, non? Remise déduite en caisse valable dans tous les magasins CEA et sur ceteria.com. Voir conditions en magasin. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les soirées de Bastien qui changent. Avec la sortie de Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et 2€ de cagnotte. Bastien, un carnet à hors-la-loi réputé à travers toute l'Amérique ne coûte que 46,59€ et tu gagnes 2€ de cagnotte. Bonne nouvelle, tu peux réaliser ton rêve dès demain. Dès demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et en plus 2€ de cagnotte. Et vos soirées changent. Auchan. Offre valable uniquement demain, montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr. Jeux vidéo déconseillés aux moins de 18 ans. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. 10h20, rapido.info sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Marcel est un gérant d'entreprise, une grosse boîte lui doit 9 816€ et nous n'arrivons à avoir personne dans cette boîte. Alors Bernard essaie par des filiales d'avoir quelqu'un, merci à lui de faire tout ça. Mais nous on continue à demander bien sûr au grand patron de bien vouloir nous rappeler dans les plus brefs délais à ITB, monsieur Franck Dondénas. Cas numéro 2, c'est le cas de la voiture. Elle achète une voiture, elle s'aperçoit que le compteur a été trafiqué. JB Enquête trouve 2-3 personnes qui ont acheté chez ce même Dreamcar des voitures et qui n'ont pas leur carte grise. Le voisin chez qui l'entreposait, qui est un professionnel des voitures, semble-t-il, lui a dit: tu arrêtes de les entreposer chez moi, je reçois trop de coups de fil de gens qui se plaignent, c'est ça? Il était à côté en fait, il m'a juste dit ça en tant que témoin. Ils sont partis il y a 3 semaines. Voilà, bon, aujourd'hui, ils sont partis, je pense, parce qu'il y a trop de problèmes de carte grise, ils avaient trop de casseroles. Et on essaie d'avoir Hussein Kobessi, la gérante, c'est Nadine Kobessi. Dreamcar, c'est à Épinay-sous-Sénart 91, et des fiches pourraient arriver, bien sûr, de gens qui ont vécu de même mésaventures. Fiona est en ligne avec nous. Fiona, bonjour. Oui, bonjour. Fiona, vous nous appelez d'où ? De l'Aude. Très bien. Fiona, vous avez l'air d'être très mystérieuse, je vous laisse nous raconter votre histoire. Alors, j'ai vendu mon véhicule en janvier 2014. Suite à ça, j'ai bien envoyé le certificat de cession à la préfecture. J'ai reçu leur accusé de réception le 19 février 2014, mais pourtant, depuis, je reçois les amendes. C'est pas vrai. Donc, c'est encore une fois, Maître Decaumont, au niveau de la préfecture, que l'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et ce qui nous tue dans cette histoire, et vraiment, on interpelle nos amis du ministère de l'Intérieur, mettez un process en place. Parce qu'après, on pourrait se dire, la préfecture n'a pas fait son boulot. C'est leur problème. Mais non, c'est pas leur problème. Parce qu'aujourd'hui, depuis le 2 juin 2016, qu'est-ce qu'on vous demande de payer ? Alors, 1 300€. Vous rendez compte, 1 300€ parce que quelqu'un, la préfecture, n'a pas pris en compte le courrier de Fiona. Et on a déjà, si j'ai bien noté, retiré à Fiona 6 points sur son permis. Alors qu'elle n'a rien demandé. Qu'elle n'a pas commise. Alors là, il y a RTL aujourd'hui, on va essayer de l'aider. Mais s'il n'y a pas RTL, excusez-moi, on fait alors, quoi ? On a mis en place un process, en fait, dans les préfectures. Vous vous trompez, Julien, ils les ont fermés. Les process ? Non, les préfectures. Ah, d'accord. Voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez plus aller dans une préfecture. Ouais. Je commence à mieux comprendre pourquoi ils n'avaient pas envie de voir les gens débouler. Compte tenu de la façon dont ils gèrent la situation, vous ne pouvez plus aller en préfecture dans un service qui n'existe plus au niveau des cartes grises, au niveau des véhicules. Mais honnêtement, j'exagère pas. Vous êtes les mains dans le cambouis tous les jours avec ce genre de problème. On est en train de parler de réforme, de l'imposition et tout. Il y a une vraie réforme à faire là-dessus. C'est-à-dire que quand vous vendez votre voiture, vous avez bien envoyé un courrier recommandé, Fiona. Non mais... Oui, en recommandé, j'ai l'accusé de réception. Elle fait tout ce qu'il faut, elle est plombée, on lui enlève des points, un huissier va venir peut-être la saisir maintenant. Sûrement. Mais c'est une catastrophe, comment peut-on éviter ça ? C'est un truc de dingue. D'autant plus qu'elle reçoit des commandements et des commandements dont les termes sont très désagréables. Malgré les avertissements qui vous ont été adressés, vous n'avez pas payé les amendes. Maintenant, j'ai pas payé, j'ai contesté, j'ai expliqué, la voiture n'est plus à moi, j'ai la preuve, vous l'avez reconnu que la voiture n'est plus à moi. Vous n'avez pas vu les suivants. Tu continues, petite insolente, à continuer à ne pas vouloir payer. Tu vas te retrouver dans une impasse à te faire tabasser. Donc elle dit, mais monsieur, je vous ai dit que j'ai contesté. Ah, nouveau courrier, tu fais la maline. Oui. Eh bien, regarde à ta fenêtre. Donc elle y a été, et là, il y avait un type sur le trottoir avec son pouce qui les mettait autour du cou, comme ça. Eh bien, donc ça devient quand même... Elle a peur maintenant, Fiona. Bon, alors comment on se sort de ce genre de galère si on n'a pas RTL ? Règle d'or, s'il vous plaît. La règle d'or, ouais, sur RTL. Moi, ça me tue parce que vous vous rendez compte, les gens qui ont des petits salaires, comme ils doivent flipper quand ils voient ça arriver, en se disant, mais comment on va faire des milliers d'euros d'amende pour des infractions qu'ils n'ont pas commises. Et on se tue, Julien, dans cette émission, à rappeler aux gens que quand on vend une voiture, bien sûr qu'on prévient son assurance, ça tout le monde y pense, pour effectivement arrêter de payer les primes. Mais il faut également, bien entendu, signaler à l'administration que le véhicule est vendu avec un moyen qui laisse des traces, un recommandé AR par exemple, puisque vous ne pouvez plus aller maintenant dans les préfectures. Et Ne faites surtout pas confiance à votre acheteur, qui normalement est celui qui doit faire changer l'immatriculation, se faire refaire une carte grise à son nom, et vous mettre hors de cause. Car souvent, et là on le voit, l'acheteur est indélicat, il se dit « la carte grise n'est pas à mon nom, ni vue ni connue », et il accumule les infractions en étant totalement à l'abri. Donc, je vous dis juste, il n'y a plus personne. Il y a le gardien de RTL oui. qui nous demande de partir parce que c'est un peu long, il voudrait fermer la radio. Parce que là, il est 2 heures, il voudrait rentrer chez lui. Quand même. Là, il est venu me voir, il m'a dit « bon, c'est bien ce que dit maître de Combon, mais j'ai quand même une famille, moi, je voudrais aller me reposer un peu ». Bon, donc, ok, il faut envoyer une lettre recommandée, mais ça ne sert à rien, mais, visiblement. Manifestement, okay. Ça ne suffit pas. Et vous parliez de modification de process. Il y a quelques années, il y a eu une réforme qui a prévu que, justement, même si l'acheteur ne changeait pas, parce qu'avant, ils attendaient que l'acheteur ait changé la carte grise, et tant qu'elle n'était pas changée, eux, ils connaissaient qu'une allure, c'était attaquer le titulaire de la carte grise non modifiée, non remplacée. Eh bien, il y a eu une réforme il y a quelques années qui a dit clairement, même si l'acheteur fait pas son job, à partir du moment où il y a le vendeur qui signale la vente et où c'est enregistré, et là on a la preuve que c'est enregistré dans ce dossier, on ne doit plus l'embêter. Ben ça n'a pas marché. Nous allons appeler la préfecture dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Hervé Pouchol, vous êtes spécialiste des préfectures pour être le miroir de ce que vivent les auditeurs au quotidien. Et s'il le faut, nous remonterons, mais pas tout de suite, jusqu'au ministère de l'Intérieur. Compris. Ça se passera dans quelques instants. Si vous vivez la même chose, la même injustice, vous avez fait tout ce qu'il fallait, pourtant l'administration vient vous réclamer des choses que vous ne devez pas. Tout de suite, le 3210, le Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou encore RTL.fr. Et puis, on reviendra sur notre cagnotte avec Napo, notre mascotte qui va devenir chien guide d'aveugle. Nous sommes à 15 483 euros. Il faut aller absolument à 25 000. Merci à tous ceux qui donnent. Il y en a plein. Alors certains le font anonymement. D'autres disent voilà, vous pouvez donner la somme que j'ai moi-même donnée. Il y a du 15 euros, du 4 euros, du 3 euros. C'est fantastique tout ça. Bravo. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. À ceux qui affirment que le 15 novembre, c'est la Saint-Albert, je répondrai qu'on fête aussi ce jour-là les Artus. Et puis qu'importe, Artus, on lui fera sa fête bien avant dans la bonne heure, il le mérite. Et la bonne heure, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Leclerc. Chérie, si je te dis qu'il y a 5 euros de ticket Leclerc sur le jeu Red Dead Redemption 2 pour PS4 et Xbox One chez Leclerc. C'est sur le jeu quoi? Le jeu Red Dead Redemption 2. C'est juste le top absolu des jeux vidéo. Super! Du 26 octobre au 3 novembre chez Leclerc, le jeu Red Dead Redemption 2 pour PS4 et Xbox One est à 48,49€ seulement. Avec en plus 5 euros en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.culture.leclerc. Red Dead Redemption 2 est chez Leclerc. Là c'est clair! Jeu violent déconseillé aux moins de 18 ans. Non, je suis très content d'être à la retraite. Ça me fait juste bizarre de me dire qu'un jour, il va falloir que je laisse cette maison. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est la vie. Le contrat SMA de Prévoir, tu connais pas. Solution maintien autonomie. Tu fais venir un conseiller Prévoir chez toi, gratuitement. Vous trouvez ensemble les solutions adaptées à tes besoins. Et après, chez toi, tu kiffes la life. Je quoi? Bah, tu profites de la vie. Et c'est mon petit-fils qui m'a appris ça. Ah. Prévoir, c'est plus de 20 ans d'expertise dans l'assurance perte d'autonomie. Rester autonome, c'est Prévoir. Tous les renseignements sur prévoir.com. Chers voyageurs, notre voyage continue. Oh, écoutez, vous entendez? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Les forfaits Power. Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10 euros par mois. Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein. Ah oui, Francis. Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Mais pourquoi tu veux qu'on aille faire les courses avec deux voitures? T'inquiète. Dès demain et jusqu'à samedi seulement, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com et sur Waze. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes avec Fiona. Rappelez-nous la mésaventure de Fiona, s'il vous plaît, Céline, sur RTL. Eh bien, c'est un cafouillage administratif. Elle a vendu sa voiture en 2014. Tous les papiers ont été faits à la préfecture, mais c'est elle qui reçoit les amendes. Eh bien, c'est parti. Nous allons donc à la préfecture de Seine-Saint-Denis. L'appel est lancé, Charlotte, s'il vous plaît. Préfecture de Seine-Saint-Denis. me semble y avoir été. C'était pour une autre histoire, mais vitres, j'avais un filtre. Donc je me suis fait arrêter par la police sur les vitres du côté. On m'a dit, vous n'avez pas le droit d'avoir le filtre, vous avez 3 jours, soit vous l'enlevez tout de suite, vous enlevez sur un bord de la route un filtre, je vais faire ça n'importe comment, soit vous allez dans un garage, et puis vous viendrez à la préfecture, enfin là-bas, et on vous retirera, on vous donnera le papier en question. J'y étais, ils n'ont rien retiré du tout, donc après j'ai reçu une amende, alors que j'avais été montré que dans les 3 jours, j'avais changé, mais en fait, il n'y a aucune circulation des documents. Par contre, je voudrais dire à la dame de la préfecture de Seine-Saint-Denis, je ne sais pas l'usage qu'elle fait de son téléphone. Ça ne me regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut avec son téléphone. Mais là, ça n'aide pas à comprendre ce qu'elle dit. Désolé, je ne vous ai pas entendu. Après le m'étonne. Si vous êtes d'une administration, dites administration pour obtenir le standard vite, standard. Standard ! Du service que vous désirez joindre. C'est à vous. Carte grise ! Carte grise ! Désolé, je ne suis pas certaine. Bah évidemment, tu te fais griller une andouillette sur la ligne. Je transfère votre appel à la standardiste qui pourra mieux vous aider. Un moment, s'il vous plaît. Attendez, je demande standard, elle dit je suis désolé. Je ne comprends rien, je vais plutôt vous passer le standard. C'est magnifique. Bon, allez, vous récupérez Charlotte. Préparez-moi quand même un doliprane et un suppôt à l'eucalyptus. Oui ? Oui, Charlotte ? Oui, ça, je ne suis pas quand même idiot à ce point encore, Charlotte. Qui, la nouvelle génération pense que les gens de mon âge ne savent pas reconnaître une sonnerie. Allô ? Voilà, bon, vous récupérez donc. Bon, pendant ce temps-là, avant d'attaquer la farandole des cas en attente, il y aura aussi l'arnaque en temps réel. Et là, nous allons nous écouter ceci. C'est Liza Stanfield, qu'on a été voir avec Hervé Pouchol il y a quelques temps, il y a même 5-6 ans, à La Cigale, vous vous rappelez ? Oh, c'était fantastique. Non, on était debout, au fond, on n'a rien vu. Très peu entendu, mais Dieu merci, la buvette était juste à nos côtés. Alors, on ne sait pas si c'était bien, mais nous, on a passé une bonne soirée. Et on vous a la remercier pour ça. Extraordinaire, Liza Stanfield sur RTL. Et une alerte avec vous, s'il vous plaît. Je suis en ligne avec le standard de la préfecture. Bonjour, madame de la préfecture. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et j'essaie d'avoir un interlocuteur, peut-être allez-vous pouvoir m'aiguiller. C'est une dame qui continue à recevoir des PV alors qu'elle a envoyé une lettre recommandée à la préfecture. Écoutez les filles. Ah. Alors attendez, vous avez eu le haut-parleur, il y a les filles autour de vous ? Les filles m'entendent ? Bonjour les filles de la préfecture, c'est Julien Courbet, comment allez-vous ? Ah, elles ne sont pas très bavardes les filles de la préfecture. Madame, je peux vous expliquer le problème ? Nous sommes en direct. Mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi ? Mais écoutez-moi, parlez-moi à moi. Non, parce que vous êtes en train de dire à vos copines, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Mais laissez-moi vous expliquer le problème pour que vous puissiez me passer quelqu'un, madame. Maintenant, justement, c'est que je peux vous passer personne parce que les services sont fermés depuis le 6 novembre 2017, monsieur. Alors, comment fait-on quand on reçoit les PV de quelqu'un alors qu'on a envoyé la lettre recommandée, tout ce qu'il fallait ? Comment fait-on ? La lettre recommandée de quoi ? Alors, elle a dit, monsieur de la préfecture, j'ai vendu ma voiture, donc j'ai, vous avez même, elle a même reçu le papier, vendu le 26 à monsieur machin, donc elle ne doit plus recevoir de PV, puisqu'il a dû changer de propriétaire, et vous ne l'avez pas fait le changement de propriétaire, visiblement. On est au bar de la poste, à la préfecture. À la préfecture, oui. Alors, comment fait-on, madame ? Mais il faut qu'il apporte le justificatif de la cession du véhicule. C'est ce qu'il a fait. Il l'a envoyé par lettre recommandée. D'accord. Voilà. Ça fait 4 ans que ça fait. Et ça fait 4 ans, madame. Et mesdames, écoutez-moi toutes. Ça fait. Madame, est-ce que vous pouvez m'écouter ? Ça fait 4 ans qu'elle vous envoie des courriers en vous disant pitié, arrêtez. Donc là, elle s'est pris 6 points. 6 points sur son permis et maintenant elle a 1 270 € à payer des commandements et des menaces d'huissier. 4 ans. Oui. Alors, il faut vraiment l'aider, trouvez-moi quelqu'un s'il vous plaît aux cartes grises, madame, à la préfecture. En carte grise, il n'y a personne. Donnez-moi un service où il y a quelqu'un. Le service est fermé. Alors, moi, je vais vous mettre en relation avec mon chef de service. Ah, c'est super, merci madame, merci beaucoup. Ah ouais, parce que là, Moi, je suis d'accord avec vous. Merci en tout cas à vous, les filles. Bonne journée. Alors, on attend, on patiente. Et au revoir, salut, bonne journée. Au revoir, les filles. Écoutez, quand ça se passe dans la bonne humeur, c'est sympa. Vous récupérez, Charlotte. Donc, je demande à ce qu'on envoie l'hymne de la préfecture française. La France. Et je l'aime du nord à la Provence. Si tu prends des PV, c'est tant pis pour toi. Nous, on s'amuse à la préfecture. C'est ça, c'est ça, c'est ça, la France. Merci. Donc, c'est un peu ça maintenant. Là, c'est un moment quand même unique de radio que nous venons de vivre. Que je ne vous inventais rien, je ne vous mentais pas. La réponse est bon, on ne peut rien faire, il n'y a plus de service, c'est fermé. Et il y a un nouveau ministre de l'Intérieur, il faut vraiment lui en parler. Oui. Oui. Oui. Moi, je n'ai pas compris. C'était la préfecture entière qui était fermée. Non, la préfecture entière. Quand même. Bon. Les services. Oui, on ne passe plus personne. Ce ne sont plus les services publics. Ce sont des préfectures. Et pour les services, t'es prié d'aller voir ailleurs. Donc, vous les appelez pour leur dire j'ai envoyé un courrier. Il n'y a pas eu d'effet, passez-moi quelqu'un. Je ne peux vous passer personne. Comment dois-je faire ? Vous envoyez un courrier. Je vous en ai déjà envoyé 3. Vous ne répondez pas ou vous ne faites pas ce qu'il faut. D'accord, je note. Que dois-je faire ? Il faut envoyer un courrier. Et pendant ce temps-là, vous prenez une corde, vous faites un nœud et vous n'avez plus qu'une envie, c'est vous pendre. A tout de suite sur RTL. Chérie, si je te dis qu'il y a 5 € de ticket Leclerc sur le jeu Red Dead Redemption 2 pour PS4 et Xbox One chez Leclerc. C'est sur le jeu quoi ? Le jeu Red Dead Redemption 2. C'est juste le top absolu des jeux vidéo. Super ! Du 26 octobre au 3 novembre chez Leclerc, le jeu Red Dead Redemption 2 pour PS4 et Xbox One est à 48,49€ seulement. Avec en plus 5 € en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.culture.leclerc. Red Dead Redemption 2 est chez Leclerc. Là c'est clair. Jeux violents déconseillés aux moins de 18 ans. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de terminer la saison en beauté. Découvrez la nouvelle collection manteaux chez Kiabi. Les nouvelles tendances pour toute la famille et surtout à tout petit prix. Comme l'incontournable parc à femmes hyper chic à 25€ au lieu de 50. 25€, c'est beau, non ? Le manteau par Kiabi, du 24 octobre au 6 novembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. Alors, on se la fait, la belle maison du fond ? Non mais t'es pas bien, toi, t'as pas vu qu'il y a une alarme d'Ethem ? On est sûr de se faire griller. Viens, on se fait celle d'à côté. Jusqu'au 30 novembre, DTEM reprend votre ancien système d'alarme et vous offre 50% de remise sur les produits de détection extérieure. Rendez-vous sur www.detem.fr. Offre soumise à condition. Laurent Ruquier revient au théâtre avec une nouvelle comédie. Et cette fois, il nous parle de la famille. Tout allait bien dans la vie de Camille jusqu'à ce que ses parents découvrent par hasard son homosexualité. Comment Claudine et Maxime vont-ils réagir ? Des retournements de situation, des répliques qui font mouche, des personnages attachants, une pièce qui nous rassemble et nous fait rire. Pourvu qu'ils soient heureux, la comédie de la rentrée, actuellement au Théâtre Antoine. Un spectacle RTL. Oh non, mais les ados. Ma fille, le week-end dernier, qui me dit que c'est plus une enfant, qu'elle veut plus d'autonomie. Ah, classique. Et t'as fait quoi, alors? Je lui ai prêté mon Huawei Mate 20 Pro avec ses deux jours d'autonomie. Ah, t'es bête. Du 16 au 25 octobre, la Huawei Watch GT avec ses 15 jours d'autonomie d'une valeur conseillée de 199 € est offerte pour toute précommande d'un Huawei Mate 20 Pro. Autonomie testée dans les conditions normales d'utilisation d'à 0,40 watts. Modalité de l'offre sur huawei-offre.fr. Alors, on fait un brushing cette fois ou bien on les laisse naturels? Oh, moi je préfère quand c'est... L'alerte discount, je dois filer. Aujourd'hui, il y a moins 30% de remise immédiate sur les cafés Netto. Alors ça, c'est ça les coiffes. Netto, le discounter qui fait la différence. Modalité et magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, avec la carte Confo Plus, Conforama vous reverse 15% sur l'achat d'une nouvelle cuisine. 15% sur votre cagnotte. Encore une très bonne raison d'avoir la carte Confo Plus. Conforama, jusqu'au 4 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Une histoire de fou, une histoire d'administration. C'est l'histoire donc de Fiona qui vend son véhicule à un particulier. Et elle envoie immédiatement une lettre recommandée à la préfecture disant « ce véhicule ne m'appartient plus ». Visiblement, le courrier n'a pas été traité et elle a perdu 6 points. On lui réclame 1 270 €. Un huissier va venir la saisir. Nous avons appelé la préfecture qui nous a dit « on ne prend plus personne au téléphone ». Mais malgré tout, comme c'est vous, nous allons peut-être vous passer quelqu'un. Oui, c'est pas qu'au téléphone. Oui. On ne reçoit plus personne. Oui, bien sûr. En tant que vous ne téléphonez pas, vous ne venez pas et vous vous débrouillez. Après, il y a Hervé, il connaît des petites entrées par derrière où on peut toujours passer, mais on ne les donne pas sur l'antenne. Charlotte. On devait nous passer un chef de service. Finalement, on nous a renvoyé vers la communication. Et là, j'ai entendu le combiné être raccroché délibérément. Bon, et voilà. Je n'ai plus rien. Après. Donc, merci à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Alors, peut-être peut-on appeler monsieur le préfet lui-même, mais ça me paraît quand même un peu idiot. Donc, nous allons passer par le ministère de l'Intérieur. Vous pouvez faire quelque chose, Hervé? Eh bien, écoutez, je vais contacter tout de suite Caroline Bozio. Et il faut absolument qu'à un moment donné, je crois qu'on a un nouveau ministre de l'Intérieur maintenant, qu'il fasse une réforme là-dessus. Elle a eu lieu la réforme et qu'il la mette en place. On ne peut plus comme ça envoyer des courriers recommandés et se retrouver en panique parce que vous avez 6 points en moins. C'est une cata. Si vous n'en avez plus 6, vous perdez votre permis. Votre job. Et vous vous retrouvez. L'administration est là pour nous aider, pas pour nous plomber. S'il vous plaît, faites quelque chose et faites-le vite. Oui, alors s'il ne peut pas réformer sur son organisation, ce sera difficile. En revanche, il y a peut-être une mesure qu'il pourrait prendre, c'est faire en sorte que le recours que vous faites soit suspensif. Parce que là, en fait, dans l'histoire, puisqu'il y a une procédure, on va lui saisir son compte. C'est tu payes d'abord, tu contestes ensuite. C'est trop d'argent. En revanche, si la contestation est par exemple abusive, fantaisiste ou dilatoire, on pourrait imaginer que le consommateur ou le conducteur soit sanctionné assez lourdement. Mais moi, je trouve ça inouï qu'on, sur tous les tableaux, ils sont gagnants. Et c'est absolument anormal. Bon, nous continuons. Fiona, nous passons par le ministère de l'Intérieur, donc demain j'aurai normalement du nouveau pour vous, d'accord ? D'accord. Allez Fiona, tenez, restez tranquille, ne vous inquiétez pas, on avance sur ce dossier, j'aurai du nouveau demain. Nous allons passer à l'arnaque en temps réel. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30-11h sur RTL. Et selon la dépêche du midi, l'enseigne toulousaine Lit Occitan, spécialisée dans la fabrication de matelas, déplore se faire usurper son identité depuis mars dernier. Profitant de l'excellente réputation de ce commerce, ces individus de faux vendeurs démarcheraient des particuliers jusqu'à leur domicile. Ces individus expliqueraient que le responsable de l'enseigne est décédé et qu'ils viennent de reprendre l'affaire. Les petits malins s'incrusteraient ensuite chez les clients les plus vulnérables, dans le but, de leur faire croire que leurs lits sont bourrés d'asticots. Une fois le client ferré, il n'hésiterait pas à proposer de nouveaux matelas contre des sommes en espèces comprises entre 300 et 1 000 €. À ce jour, la police recense plusieurs plaintes pour abus de faiblesse. Mais pour l'instant, les faux démarcheurs courent toujours. Précisons que le gérant de l'enseigne Lit Occitan est toujours bien vivant. Du haut de ses 78 ans, il clame d'ailleurs haut et fort qu'il ne pratique jamais le porte-à-porte. Oui, ça coûte 3, enfin, on encourt 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende, que ce soit au travers du code de la consommation ou du code pénal. Cet abus de faiblesse est pris très au sérieux. Nous allons accueillir Philippe sur l'antenne d'RTL. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Philippe, nous attaquons maintenant la farandole des cas qui étaient en attente. Voilà ce que vous nous avez dit sur l'antenne d'RTL. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Je vous appelle de Charente-Maritime. Avec ma femme et nos trois enfants, nous sommes partis pour un séjour dans une maison de vacances. On a payé 2000 euros pour les deux semaines. La maison était sombre et rongée par l'humidité. La ventilation de la salle de bain faisait un bruit assourdissant. Les sanitaires sales. Bref, on a dû se reloger ailleurs. Nous avons essayé d'appeler Novasol. Le siège, je le rappelle, est au Danemark. Faites aussi attention, quand vous passez par des plateformes, vous avez tout à fait le droit d'aller choisir une plateforme du Danemark. Mais après, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour faire valoir ses droits. Bien qu'il y ait un bureau à Paris, rappelons-le également. Et Bernard, vous étiez sur le point de prendre un avion quand vous étiez en train d'écouter la radio. Oui, j'étais surpris justement que ce groupe qui est présent dans 28 pays européens et qui existe depuis 50 ans commette ce genre d'erreur. Donc on les a appelés avec Hervé et Charlotte. Ils nous ont rappelé hier après-midi en nous disant qu'ils ne parleraient pas à l'antenne, mais qu'ils nous enverraient un mail. On vient de le recevoir à l'instant, Julien. Est-ce que vous savez lire ? Oui. Alors allez-y. Je vais être très court, Julien. Malgré la volonté de Novasol, au travers des équipes locales, de garantir la qualité et le contrôle de nos produits, la famille n'a pas pu profiter de son séjour. Nous en sommes désolés pour Philippe Verdière. Nous avons pris la décision de suspendre son calendrier de réservation de cette villa en question. Au vu des désagréments subis par cette famille, nous allons procéder au remboursement intégral du montant de la location dans les meilleurs délais. Et ils vont plus loin, Julien. La volonté de Novasol est de, évidemment, aider ses clients. Et ils vont faire un geste commercial sur une prochaine réservation. Donc, bravo à eux, Julien. Mais je ne suis pas content, quand même. Pourquoi ? Pas deux, mais en règle générale, Julien. Et vous permettez que j'aie ce petit jingle de mon coup de gueule ? D'accord. Surtout, vous faites comme vous voulez. Vous non, demandez des jingles. Je vous demandais gentiment, Julien. Je vais vous le mettre, si je ne peux pas. Je vais vous le mettre, gentiment. Je suis marié depuis 34 ans. Tout de suite, sur RTL, un coup de gueule. Allez-y. Donc je vais juste dire à tous ces facilitateurs, en l'occurrence de réservation, qui ne sont pas dans la notion de forfait, Julien, que la loi est en train de changer, on l'a vu encore lundi ou mardi dernier. Vous allez proposer à quelqu'un de louer quelque chose, vous ne pouvez pas vous dédouaner, Julien, de vous dédouaner de cette responsabilité. La directive européenne a mis en place des règles très strictes. Si vous êtes facilitateur, ça veut dire que vous orienter automatiquement le consommateur voyageur, et s'il n'est pas content, c'est à vous de vous débrouiller, non pas d'envoyer directement ça au locataire. Merci. Quelque chose à rajouter, Maître Fellono ? Oui, c'est un grand progrès, parce que c'est la responsabilité de tous ces sites de réservation, car c'est plus facile de faire une réclamation et de faire une procédure contre un professionnel que contre un particulier propriétaire d'une villa, là en l'espèce au Portugal. Ça aurait été impossible pour notre ami. Donc la loi vient vraiment aider les consommateurs. Allez, nous allons... Oui, Hervé, s'il vous plaît, rapidement. Et moi aussi, je voulais pousser un coup de gueule. Lequel ? Très bien, merci. Je rappelle que Hervé Pouchol, pour 50 euros et un repas chaud, peut venir faire des blagues chez vous à l'occasion d'un départ à la retraite, d'une bar mitzvah, d'un anniversaire. Alors, des blagues comme celle-ci, il peut ne pas en faire non plus si vous lui demandez. Il est là, voilà, il peut signer des autographes si vous le reconnaissez. Nous allons parler une seconde de la cagnotte. La cagnotte avec le petit Napo, la star de RTL, ce petit Labrador. Nous en sommes à 15 588 euros pour aller à 25 000 pour qu'il devienne sur RTL l'emblème des chiens qui aiment leur maître et qui donnent leur vie pour eux. Le petit Napo dont on attend de nouvelles photos. Je compte sur vous, Cagnotte Litchi. Vous allez sur Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL. Dans une seconde, Céline. On reviendra sur le dossier de Christian. Christian, c'est 18 670 euros pour un fourgon neuf qu'il n'a jamais reçu. Mais ça, c'est vrai, cette histoire, il faut vraiment la régler parce que payer une power de fourgon, bon, c'est toujours embêtant. Hein. Donc nous allons relancer l'histoire. Vous vivez quelque chose de similaire ? 3210 ou bien Facebook, la page, elle peut vous arriver. Bonnes vacances si c'est le cas sur RTL. Chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures ? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant ! Jusqu'au 4 novembre, selon quantité d'articles achetés, voire conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures. Moi, je suis moi-même au fil, je fais tout moi-même. Les plantes, c'est moi. Ah bah c'est simple, hein, je suis incollable. Petit biscus, crise d'antenne, robot dindon. Incollable, je vous dis. Non, les plantes, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, faire plaisir avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 27 octobre, Gamme Vert vous propose la jardinière de 30 cm composée de 3 plantes pour 9,95€ seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour, pour sa sortie, le jeu Red Dead Redemption 2 est à seulement 46,49€ au lieu de 69,95€. Non mais 46,49€ seulement, c'est fou. Résultat des courses, la conquête des économies, c'est gagné. Dès demain et jusqu'à samedi seulement, pour sa sortie, le jeu Red Dead Redemption 2 est au prix de lancement exceptionnel de 46,49€ au lieu de 69,95€. Carrefour. PS4 ou Xbox One, prix de lancement valable les 26 et 27 octobre. Modalité liste des produits sur carrefour.fr. Des conseillers au moins de 18 ans. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Des étagères, un dressing, oh avec ma femme, on manque pas d'idées pour bricoler chez nous. Par contre, le budget pour les outils... On vous répond, jusqu'au 5 novembre, profitez du kit 3 outils Dexter à seulement 69€, composé d'une perceuse à percussion, d'une meuleuse et d'une scie sauteuse. C'est le moment de s'équiper pour tous vos projets. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toutes fraîches. Il y a des pommes, des poireaux, des salades, des carottes. C'est quoi ces salades ? Et des carottes, des melons, des choux, que des produits frais, de qualité, livrés tous les jours. Et les consommateurs ? Ouais. Eh bah ils ont élu Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Et nous patron ? Bah on est dans les choux. Oh. Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Tout est dit et c'est vous qui le dites. Étude basée sur 359 606 évaluations de mai à juillet 2018 par Keolia. Plus d'informations sur Lidl.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous revenons sur le cas de Christian, Céline. Christian, eh bien, il a payé 18 670 euros pour un fourgon cet été et on ne lui a jamais livré. C'était une histoire de dingue. Ça, vous vous rappelez, maître de Caumont, de cette histoire ? Comme si c'était hier. Alors, allez-y, une fois que vous aurez remonté votre siège, car maître de Caumont s'installe à 9h30 derrière le micro et oui. Finit de régler son siège à 10h51. Vers 10h51. Il est à la bonne hauteur. Alors, il était quand même dans une situation incroyable puisqu'il achète un fourgon, si je me rappelle oui. bien. Il le paie, maître Felloneau. Il le paie quand il l'a vu. Oui. Il a vu que c'était conforme à sa commande parce que c'est un véhicule neuf. Et il le fait même. Et il ne peut pas partir quand même alors qu'on lui demande de faire un chèque parce que le véhicule n'était pas immatriculé. Bon, c'est le troisième véhicule qu'il achète à ce garage, j'ai parfaite conscience. Le problème, c'est que quand il veut venir la chercher, eh bien, le véhicule a disparu et le vendeur a déposé son bilan. Alors, Christian est en ligne avec nous. Bonjour, Christian. Oui, bonjour, Julien. Bonjour, nous allons savoir ce qui s'est passé. Ah, le vendeur automobile a dit « Si tu as une poêle, va te faire cuire un œuf. » Mais le vendeur t'a dit « Connais-tu la graisse ?» Et tu devrais y faire un tour pour peut-être connaître une nouvelle sexualité. C'est le constructeur a dit « Nous sommes des grands professionnels de l'automobile, nous allons régler le cas. » Quelle est votre réponse ? C'est la réponse C. Bravo ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Bon alors, en fait, Fort de France m'a rappelé pour m'indiquer qu'ils allaient me livrer le véhicule dans l'autre concession de Dijon, moyennant la subrogation de la dette qui a été déposée auprès du mandataire judiciaire. D'accord. Et également, il faut que je fasse un complément de 8 500 € pour tout simplement du fait que la reprise de mon ancien véhicule ne se fait pas. Oui, la vendre tout ah simplement oui. que je complète les 8 500 € et donc après je serai l'heureux propriétaire d'un nouveau transit. Donc ça, Hervé Pouchol, c'est Ford qui s'est occupé de tout ça, on est d'accord ? Absolument, j'ai un mail confirmé par Fabrice Devanlet qui est le responsable directeur du service après-vente de Ford France. Eh bien, Ford, vous avez tout mon respect, bravo, félicitations d'avoir résolu ce problème. Maître Felloneau. Oui, alors la subrogation dont notre consommateur nous parle, ça veut dire qu'en réalité, depuis le dépôt de bilan et ce redressement judiciaire, lui, il n'aurait il aurait dit, voilà, je déclare avoir une créance contre la société à raison de 10 000 euros, ce qu'il a payé, en gros, on va dire. Et là, c'est le constructeur qui dit, ben non, je vous donne la voiture gratuitement et c'est moi qui demanderai les 10 000 euros que le garage doit. Écoutez, je suis ravi pour vous, Christian. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Ford. Merci beaucoup à Ford. Merci beaucoup à Ford, à toute l'équipe. À bientôt, Christian. Merci. Nous allons maintenant qu'il y a une tranche de vie, Maître de Comont et son épouse au petit déjeuner le matin. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Les nouvelles sont mon reste, où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle vous. Elle voudrait déjeuner en paix. C'est Stéphane Echer sur l'antenne d'RTL. Il s'est passé donc beaucoup de choses. On ne va pas lâcher l'affaire. Je vais revenir uniquement sur celui-ci, sur Carla, qui a acheté une voiture à Dream Car. Dream Car qui se trouve à Épinay-sous-Sénart. Nadine Kobessi, Hussein Kobessi, nous y revenons demain, car il y a eu un compteur qui a été apparemment trafiqué. On ne sait pas par qui. Il y a des cartes grises qui n'ont pas été données. Il y a beaucoup de clients qui sont insatisfaits. Ça sera le gros dossier de la matinée. Merci à vous tous. Je vous rappelle que je suis à Deauville le 10 novembre, à Troyes le 17 novembre et le 1er décembre à Enghien-les-Bains pour le One Man Show. Et croyez-moi, je serai aussi en forme que je l'étais, je crois, aujourd'hui. Tu as appris la nouvelle ? Non, pas pour Caro et Thomas. Du 26 au 28 octobre, CA offre moins 20% sur toute la collection femmes. Oui, 3 jours pour se faire plaisir chez CA. C'est quand même plus intéressant que les histoires de cœur de Caro, non ? Remise déduite en caisse valable dans tous les magasins CA et sur c-a.com, voire conditions en magasin. Auchan ? Et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, ce sont les soirées de Bastien qui changent. Avec la sortie de Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et 2€ de cagnotte. Bastien, un carnet à hors-la-loi réputé à travers toute l'Amérique ne coûte que 46,59€ et tu gagnes 2€ de cagnotte. Bonne nouvelle, tu peux réaliser ton rêve dès demain. Dès demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et en plus 2€ de cagnotte. Et vos soirées changent. Auchan. Offre valable uniquement demain. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr. Jeux vidéo déconseillés aux moins de 18 ans. Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Ghislaine Gandon, à Chinon, en Indre-et-Loire, nous dit pourquoi. On peut passer à n'importe quel moment, faire ajuster les lunettes si on a un petit problème. Ils sont très à l'écoute, ils font essayer plein de paires. On a pris des verres 100% français. Et ça, il nous l'a bien expliqué avant, et comment ils font les verres. Chez Optique 2000, on a ce service-là et je trouve que c'est très bien. C'est vraiment un service impeccable. Vincent Biarnet, l'opticien optique 2000 de Madame Gandon à Chinon. Notre priorité, c'est de répondre aux attentes du client par l'analyse de ses besoins. On y répond par une fabrication française livrée avec un certificat. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous gérons tout pour nos clients. Alors Madame Gandon, contente d'Optique 2000 ? Ah oui, très satisfaite et en plus on ne s'occupe pas des papiers. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien. C'était Madame Gandon dans la pub Optique 2000. Xavier Gandon, c'est l'un des patrons de TF1. On le salue au passage et on salue son épouse, visiblement, qui va chez Optique 2000. Merci à vous tous, vraiment, du fond du cœur. Ça m'a bien rendu service que vous soyez là, vous, Maître de Caumont, et vous, Maître Filonneau, parce que pour trouver des bons avocats disponibles un jeudi matin, je galère. Est-ce que Stéphane Bern est avec nous ? Absolument. Et avec votre esprit ? Oui, je suis là, nous sommes tous là. Cher Julien, avec Artus, évidemment, qui a... Il y a le bureau des légendes, il est sur scène. Enfin bref, on va passer un très bon moment ce matin, on va rire et chanter.